dans le flex, matin, midi et soir. Tu vis en unicus, t'aimes quand ça sent fennec. Tu fais pas la vaisselle, tu es tous les braillés. Tu tapes dans les poubelles, tu te fais mal au pied. Y'a rien à faire, c'est l'atmosphère, t'as la crête qui pousse à l'envers. Ton cerveau claque, ton doigt fait feu, tu chantes ce bel air fun. Ton cerveau claque, ton doigt fait petit, chante le bel air fun. Wouhou, wouhou, wouhou.